chavirer le salut. Élonger le tour, délacer la laisse, et laisser le temps de tanguer, gîter. Parcourir, aller autour d'alentour, visiter le cœur décentré du monde. Hey. La vie montgolfière, la vie ombragée, la vie cascadant, la vie détroussée, la vie à genoux, la vie en piété, la vie bec d'oiseau, la vie diapason, la vie monochrome, la vie lévitant, la vie avilie, la vie délavée, la vie en nacelle, la vie envolée. Folle s'érance jusqu'à l'envol. Déclamage une chambre martifère et que la bruche cache un amas de pastel. Sous le creux des hélas s'enroule nos pluriels, mais c'est le placipore qui déclenche le miel. Et toi, tu m'aimes. Discours. À l'aimable assemblée réunie sous la douche, j'expose ici l'anéantissement des éloges qui, autrefois, affublaient nos réunions au-delà de l'ostentatoire et de l'aube à laquelle nous ne parviendrons pas. C'est pour cette raison, et tant d'autres tout aussi subjectivatoires, que je clôt le tout, tout de go. Émousse le sillage, ferme le robinet et rabat mon ramage en attendant la fin du monde des abrutis que nous sommes. Et je nous connais. Bonsoir. Le laisse-lui au sou, le beau s'allie au sou, le sous s'allie à tout, le tout s'allie au lait, le laisse-lui à soi, et sois s'allie. Mais l'homme au lit n'allie pas l'âme, il est le loup et loup la gnôle. Qui l'aliène, et là la hyène bouffe en son lit la vie de l'homme. Allez, allons, allez, allions. Le lit et l'eau, l'homme au lit là, tétard. L'aile au lion, allons, ailez. Délions les lots, tous à délier. Caché dans le vase de soissons. le reflet mouvant des galets, l'œil frôlant l'onde, les larmes de l'algue d'eau douce, le dépit roulant sous l'oreille, le début de la source aux sources, le brochet caché dans la vase de soissons. La tubulure est parmi nous. Elle est froide, sans protubérance. Une licité dont l'art s'encombre de plus en plus fréquemment. Les ersatz, les bébés de la tubulure, osent parfois l'aspérité. Ils se caméléonisent, ce qui les rend plus difficilement détectables et en cela proches du détestable. La tubulure s'insinue et s'incoupe avec obstination et persévérance. Elle est capable de se fondre et de se confondre le temps nécessaire à son ministère avec l'exubérance la plus débridée. Mais dès que l'occasion se présente, elle se révèle toute tubulaire qu'elle est. Avant cela, il est déjà trop tard, sachez-le. La tubulure est parmi nous. Mal s'est fait la paire, c'était mon père. Donc, mon père s'est fait la malle. Mais quelle fut ta vie, père? Et maintenant, où vis-tu, père? Toi qui vitupéras tant, paies-tu tes langues de vie, père? Ou bien meurs-tu en paix, père? Es-tu enfin heureux, père, dans ton repère? Dis, père, est-ce que mourir saoule l'âge? Homme pendule cherche femme crédule pour enfanter bidule. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tous ces mots pour ça, tout ça, tout ça pour ça, tout ça. Oui. Pourquoi? Tout ça pourquoi? Pourquoi tout ça? Tous ces mots pour ça, tous ces mots pour ça. Oui, non, oui. Tout ça pour ça, pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Tous ces mots pour ça, pourquoi? Pour tout ça? Pourquoi? Oui, non, non, non, non, non, oui. C'est tellement plus difficile que de sortir son chien en pensant à autre chose. C'est tellement plus difficile. C'est autrement plus et difficile. C'est autrement. C'est difficile. Je déteste avoir des cheveux noirs. Ça... Je déteste avoir